Voici le astérisque astérisque chapitre 3 astérisque astérisque de votre livre, intitulé Dies dies astérisque astérisque chapitre 3, Sonko et l'Alliance des États du Sahel, AES, rupture géopolitique ou réalpolitique panafricaine, astérisque astérisque. Dies dies dies astérisque astérisque introduction astérisque astérisque. L'Alliance des États du Sahel, AES, née en septembre 2023, est devenue en moins de deux ans un acteur clé de la géopolitique ouest-africaine. Composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, trois pays dirigés par des juntes militaires issues de coups d'État, l'AES incarne une astérisque astérisque volonté de rupture astérisque astérisque avec les institutions régionales traditionnelles, comme la CEDEAO, et les anciennes puissances coloniales, notamment la France. Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal depuis 2024, a rapidement noué des liens avec cette alliance, suscitant à la fois espoir et controverse. Ce chapitre explore les astérisques astérisques motivations, les enjeux et les limites astérisques astérisques de ce rapprochement, ainsi que ses implications pour le panafricanisme contemporain. Dies dies dies astérisque astérisque. La jeunesse de l'AES, un Sahel en quête de souveraineté astérisque astérisque. Dies dies dies dies astérisque astérisque. Contexte de création astérisque astérisque. L'AES est née le astérisque astérisque 16 septembre 2023 astérisque astérisque, en réaction à la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO après le coup d'État au Niger. Les trois pays fondateurs, Mali, Burkina Faso, Niger, ont signé la astérisque astérisque charte du Liptako-Gourma astérisque astérisque, un pacte de défense mutuelle et de coopération économique, avant de se transformer en astérisque astérisque Confédération des États du Sahel astérisque astérisque en juillet 2024. Les objectifs initiaux. Astérisque astérisque sécurité astérisque astérisque, lutte conjointe contre le terrorisme et les groupes djihadistes. Astérisque astérisque souveraineté astérisque astérisque, rejet de l'influence française et des bases militaires occidentales. Astérisque astérisque intégration économique astérisque astérisque, création d'une monnaie commune, développement des infrastructures transfrontalières, et coopération dans les secteurs clés, énergie, agriculture. Dies dies dies dies astérisque astérisque 2. Les symboles de la rupture astérisque astérisque. Astérisque astérisque retrait de la CEDEAO astérisque astérisque, les trois pays ont officiellement quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en janvier 2025, accusant l'organisation d'être un « instrument de néocolonialisme ». Astérisque astérisque retrait de l'Organisation internationale de la francophonie astérisque astérisque, en mars 2025, les trois États ont annoncé leur sortie de cette institution, symbole de la astérisque astérisque fracture linguistique et culturelle astérisque astérisque avec l'ancienne puissance coloniale. Astérisque astérisque alliance alternative astérisque astérisque, les pays de l'AES se tournent vers la Russie, via le groupe Wagner, la Chine, et la Turquie pour des partenariats sécuritaires et économiques. Dies dies dies astérisque astérisque 2. Ousmane Sonko et l'AES, une alliance stratégique ou idéologique, astérisque astérisque. Dies dies dies dies astérisque astérisque 1. Les motivations de Sonko astérisque astérisque. Astérisque astérisque un panafricanisme anti-impérialiste astérisque astérisque, Sonko voit dans l'AES un astérisque astérisque levier pour rompre avec la France-Afrique astérisque astérisque et construire une Afrique souveraine. Lors de sa visite à Ouagadougou en mai 2025, il a déclaré que le Sénégal devait « travailler au rapprochement entre tous les peuples africains, tout en maintenant son appartenance à la CEDEAO ». Astérisque astérisque une stratégie de diversification des partenariats astérisque astérisque, le Sénégal, sous Sonko, cherche à astérisque astérisque rééquilibrer ses relations internationales astérisque astérisque. Astérisque astérisque réduction de la dépendance à la France astérisque astérisque, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du Sénégal en 2024, et le pays a demandé à rejoindre les BRIC+. Astérisque astérisque renforcement des liens avec l'AES astérisque astérisque, Sonko a effectué une tournée dans les pays de l'AES en mai 2025, marquant une astérisque astérisque volonté de coopération sud-sud astérisque astérisque. Dies dies dies dies astérisque astérisque 2. Les actions concrètes du Sénégal vers l'AES astérisque astérisque. Astérisque astérisque visite diplomatique astérisque astérisque. Astérisque astérisque mai 2025 astérisque astérisque, Sonko se rend à Ouagadougou pour rencontrer le président burkinabé Ibrahim Traoré. Il y tient un discours critiquant la CEDEAO et appelant à une astérisque astérisque coopération renforcée entre États africains astérisque astérisque. Astérisque astérisque juillet 2025 astérisque astérisque, il annonce une tournée dans les trois pays de l'AES, ainsi qu'en Guinée-Conakry, pour « renforcer les partenariats politiques africains ». Astérisque astérisque soutien aux initiatives de l'AES astérisque astérisque. Le Sénégal a astérisque astérisque soutenu la création d'une force antiterroriste conjointe astérisque astérisque entre les pays de l'AES, sans pour autant quitter la CEDEAO. Sonko a salué la astérisque astérisque décision des pays de l'AES de créer une monnaie commune astérisque astérisque, tout en rappelant que le Sénégal étudiait aussi des alternatives au franc CFA. Dies astérisque astérisque 3. Les limites et les ambiguïtés astérisque astérisque. Astérisque astérisque une alliance sans adhésion formelle astérisque astérisque, contrairement à certains rumeurs, Sonko a astérisque astérisque toujours nié vouloir rejoindre l'AES astérisque astérisque. Il insiste sur le fait que le Sénégal reste un astérisque astérisque état démocratique et membre de la CEDEAO astérisque astérisque, tout en cherchant à dialoguer avec tous les acteurs africains. Astérisque astérisque les tensions avec la CEDEAO astérisque astérisque, le rapprochement avec l'AES a suscité des astérisque astérisque inquiétudes astérisque astérisque au sein de la CEDEAO, où certains pays, comme la Côte d'Ivoire, voient d'un mauvais œil cette nouvelle dynamique. Astérisque astérisque les critiques internes et externes astérisque astérisque. Astérisque astérisque en Afrique astérisque astérisque, certains intellectuels et dirigeants, comme Alassane Ouattara, accuse Sonko de astérisque astérisque légitimer des régimes militaires astérisque astérisque et de fragiliser la démocratie en Afrique de l'Ouest. Astérisque astérisque en Occident astérisque astérisque, la France et l'UE voient ce rapprochement comme une astérisque astérisque menace à leur influence astérisque astérisque et un signe de l'alignement du Sénégal sur des puissances comme la Russie ou la Chine. Dies astérisque astérisque II. Les enjeux géopolitiques et économiques astérisque astérisque. Dies astérisque astérisque 1. Une redéfinition des alliances régionales astérisque astérisque. Astérisque astérisque l'AES comme contre-pouvoir à la CEDEAO astérisque astérisque, l'alliance cherche à astérisque astérisque créer un nouvel équilibre astérisque astérisque en Afrique de l'Ouest, en promouvant une astérisque astérisque intégration basée sur la souveraineté astérisque astérisque plutôt que sur les normes démocratiques imposées par l'Occident. Astérisque astérisque le rôle du Sénégal astérisque astérisque, en tant que pays stable et démocratique, le Sénégal pourrait jouer un astérisque astérisque rôle de pont astérisque astérisque entre l'AES et le reste de l'Afrique de l'Ouest, mais cela dépendra de sa capacité à astérisque astérisque concilier souveraineté et démocratie astérisque astérisque. Dies astérisque astérisque 2. Les défis sécuritaires et économiques astérisque astérisque. Astérisque astérisque la lutte contre le terrorisme astérisque astérisque, l'AES mise sur une astérisque astérisque coopération militaire renforcée astérisque astérisque, mais les résultats restent limités face à la montée des groupes djihadistes, comme JNIM ou l'État islamique. Astérisque astérisque la question monétaire astérisque astérisque, les pays de l'AES envisagent une astérisque astérisque monnaie commune astérisque astérisque, mais le projet est encore flou et dépendra de leur capacité à stabiliser leurs économies. Astérisque astérisque les partenariats extérieurs astérisque astérisque. Astérisque astérisque Russie astérisque astérisque, les pays de l'AES collaborent avec le groupe Wagner, ce qui pose des astérisque astérisque questions éthiques et stratégiques astérisque astérisque. Astérisque astérisque Chine et Turquie astérisque astérisque, ces pays investissent massivement dans les infrastructures et les ressources minières, mais cela pourrait astérisque astérisque renforcer une nouvelle forme de dépendance astérisque astérisque. Dies astérisque astérisque 4. Les réactions internationales, entre inquiétude et opportunisme astérisque astérisque. Dies astérisque astérisque 1. La France et l'UE, une perte d'influence astérisque astérisque. La France a astérisque astérisque critiqué le rapprochement Sénégal-AES astérisque astérisque, y voyant une astérisque astérisque trahison astérisque astérisque après des décennies de coopération. Paris a accusé Sonko de astérisque astérisque radicaliser sa posture astérisque astérisque et de s'aligner sur des régimes anti-français. L'UE, quant à elle, astérisque astérisque craint une contagion astérisque astérisque des idées souverainistes et une astérisque astérisque remise en cause des accords de coopération astérisque astérisque, sécurité, migration, commerce. Dies astérisque astérisque 2. Les États-Unis et les nouvelles puissances astérisque astérisque. Astérisque astérisque les États-Unis astérisque astérisque, Washington a astérisque astérisque réduit son engagement militaire astérisque astérisque au Sahel après les coups d'État, mais cherche à maintenir une présence en Afrique de l'Ouest via le Sénégal. Cependant, l'influence américaine diminue face à la montée de la Russie et de la Chine. Astérisque astérisque la Chine astérisque astérisque, Pékin voit dans l'AES une astérisque astérisque opportunité économique astérisque astérisque, minerai, infrastructure, et un moyen de astérisque astérisque contourner l'influence occidentale astérisque astérisque. Astérisque astérisque la Russie astérisque astérisque, Moscou utilise l'AES pour astérisque astérisque étendre son influence astérisque astérisque via Wagner et des accords de sécurité, mais cela pose des astérisques astérisque risque de déstabilisation astérisque astérisque à long terme. Dièse astérisque astérisque 3. Les réactions africaines, entre soutien et méfiance astérisque astérisque. Astérisque astérisque les pays de l'AES astérisque astérisque, ils saluent le astérisque astérisque soutien du Sénégal astérisque astérisque, y voyant une astérisque astérisque légitimation de leur projet astérisque astérisque et une possibilité de astérisque astérisque sortir de l'isolement astérisque astérisque. Astérisque astérisque les autres pays de la CDAO astérisque astérisque, certains, comme le Nigeria ou le Ghana, astérisque astérisque craignent une fragmentation astérisque astérisque de la région, tandis que d'autres, comme le Togo, adopte une position astérisque astérisque neutre ou attentiste astérisque astérisque. Dièse astérisque astérisque V. Conclusion, un panafricanisme en construction, entre idéal et réalisme astérisque astérisque. Le rapprochement entre Ousmane Sonko et l'AES marque un astérisque astérisque tournant dans la géopolitique ouest-africaine astérisque astérisque. Il illustre. Astérisque astérisque la volonté de souveraineté astérisque astérisque, l'Afrique de l'Ouest cherche à se libérer des tutelles extérieures et à construire des alternatives. Astérisque astérisque les limites du panafricanisme contemporain astérisque astérisque, entre astérisque astérisque idéaux révolutionnaires astérisque astérisque, rupture avec la France, monnaie commune, et astérisque astérisque contrainte réaliste astérisque astérisque, stabilité démocratique, dépendance économique. Astérisque astérisque le rôle clé du Sénégal astérisque astérisque, Sonko tente de astérisque astérisque concilier radicalité et pragmatisme astérisque astérisque, mais son succès dépendra de sa capacité à astérisque astérisque éviter l'isolement astérisque astérisque et à astérisque astérisque construire des ponts astérisque astérisque entre les différentes visions de l'Afrique. L'AES et le Sénégal de Sonko incarnent ainsi astérisque astérisque deux facettes d'un même combat astérisque astérisque, celui d'une Afrique qui refuse de choisir entre astérisque astérisque souveraineté et démocratie astérisque astérisque, et qui cherche à astérisque astérisque réinventer son destin astérisque astérisque sans reproduire les erreurs du passé. Dièse astérisque astérisque fiche récapitulative, Sonko et l'AES enjeux et perspectives astérisque astérisque. Fiche, Sonko et l'Alliance des États du Sahel, AES. Astérisque astérisque aspect astérisque astérisque astérisque astérisque position de l'AES astérisque astérisque astérisque astérisque position du Sénégal, Sonko, astérisque astérisque astérisque astérisque enjeu astérisque astérisque. Astérisque astérisque souveraineté astérisque astérisque rupture avec la CDAO et la France. Diversification des partenariats, Chine, Russie. Équilibre entre indépendance et isolement. Astérisque astérisque sécurité astérisque astérisque force antiterroriste conjointe, partenariat avec Wagner. Soutien à la coopération sécuritaire, mais sans engagement militaire. Lutte contre le terrorisme vs. Risque de déstabilisation. Astérisque astérisque économie astérisque astérisque projet de monnaie commune, coopération minière. Étude d'alternatives aux francs CFA, partenariats économiques diversifiés. Dépendance aux nouvelles puissances, Chine, Russie. Astérisque astérisque diplomatie astérisque astérisque alliance sud-sud, rejet de l'Occident. Maintien dans la CDAO, dialogue avec tous les acteurs. Risque de fracture régionale. Dièse astérisque astérisque prochaines étapes astérisque astérisque. 1. Astérisque astérisque souhaitez-vous que je développe un autre chapitre astérisque astérisque, exemple, le franc CFA et les alternatives monétaires en Afrique? 2. Astérisque astérisque voulez-vous des fiches supplémentaires astérisque astérisque sur les dirigeants de l'AES, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahman Tiani, ou sur les partenariats internationaux, Russie, Chine? 3. Astérisque astérisque préférez-vous un format différent astérisque astérisque, texte continu, infographie, ou version web? Dites-moi comment vous souhaitez avancer, Eliman. Ce chapitre peut être complété ou ajusté selon vos besoins.